Prêt pour une vague de nouveautés? C'est la chance aux coureurs! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, le poste d'écoute de C'est fou. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine pendant 3 heures, on va découvrir ces nouveautés qu'on a reçues à la station pendant la semaine. Cette semaine, on continue notre gros spécial francophone avec la deuxième partie qui vient de notre pile de franco. On a aussi de l'anglophone, on va entendre Gorillaz plus tard, j'ai très très hâte d'entendre ça. Mais du côté franco, on va avoir les Psycho Riders, on va avoir Darling A. On va aussi avoir, pourquoi pas, Rap de rue 2007, Plume la traverse, Étienne Dao et Ingrid dans quelques minutes. Mais avant, on commence par un simple de Renaud, live, tournée rouge sans. Voici la pièce Hexagone. Tout de suite à la chance, au coureur, à ce coup 89.1 FM. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que les corps qui évoluent. La mentalité la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés, qui filèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue rassemblent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, ça plaît encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est flamand. On va lire au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, pas se découvrir d'un fil, le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les traditions imbéciles, ils les appliquent pour qu'ils l'arrêtent, ils font pitié de ces débiles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à la rouge et noire, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils ont raison. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient Yves Pétain, qu'ils étaient bien bloqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de chamblins. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flanflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés par des cons. Et c'est pas fini. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient enfin dans la Chine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence animer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine à peu près une liberté, cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, par square, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène, de Bogota jusqu'à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas vraiment une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges dans le pomme, le raisin ferment en trop. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire assez tarée. En novembre au salon d'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Du supprimé, c'est le tuer, c'est une drogue à coup du France. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos, y'a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous nous voir crever, étouffés de l'un de marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire ça soit vendant. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants. C'est fou, fou dans vos oreilles. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais tourné, que des grenades dégoupillés jusqu'à périr à bien aimer sur mon bateau. J'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer tant que la bière et l'amitié et la musique nous feront une croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Yeah. Renault avec deux pièces du CD Tournée Rouge 100 Paris-Bercy plus Hexagone. Sorti en CD déjà en France, on aura seulement le simple ici à C'est Fou 89.1 FM. Donc c'était Hexagone pour commencer, une pièce qui date apparemment de 75. Et la ballade nord-irlandaise sur les motifs de Water is Deep, une chanson traditionnelle irlandaise adaptée par Renault. Voilà. Donc, enregistré au Palais Omni Sport de Paris-Bercy en mars 2007, mixé et masterisé au studio Labomatique. Super. Donc, l'album est sorti depuis le 19 novembre là-bas et sur DVD le 3 décembre. Si vous voulez plus d'informations sur Renault et sa tournée Rouge 100 et le reste, allez voir le www.rouge100.fr ou le www.fondation-malone.fr. Malone, M-A-L-O-N-E. Voilà pour ça. On passe à notre deuxième album pour cette semaine, c'est les Psycho Riders, album qui s'appelle Le Gouffre aux Chimères, oui. Et tout de suite, voici la pièce L'Exil. Vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, c'est la chance. Au coureur, le poste d'écoute de C'est Fou. Oh. Synthonisez le poste d'écoute de C'est Fou, c'est la chance au coureur, où ça? C'est Fou depuis 10 ans. Les Psycho Riders avec trois pièces de leur nouvel album Le Gouffre aux Chimères. On a entendu L'Exil suivi des Cafards et de Pourquoi Payer qui vient tout juste de jouer. Le quintet montréalais Les Psycho Riders a lancé son nouveau long jeu Le Gouffre aux Chimères le 6 novembre dernier au Divan Orange, dit le document de presse envoyé par l'étiquette. Deux ans après la sortie de Ne pariez jamais votre tête au diable, les Psycho Riders reviennent en force avec un 13 pistes des plus solides. Plus mature, plus travaillé, les pièces du groupe frappent fort pour mieux nous entraîner vers la déchéance musicale qui fait sa réputation. Et je cite, on partageait tous le désir d'élargir nos horizons et de faire de la musique pour les bonnes raisons, explique le guitariste et chanteur Maxime Villeneuve. Et cette philosophie, elle transparaît tout au long du CD, juste assez sale, juste assez dangereux, mais toujours un charme pour l'oreille. Les voix de Susie McLelove, qui chante avec les Breastfeeders aussi, très bon ça, et de Karine Isabelle, de Comme un homme libre, une formation que j'adore, orne de plus quelques chansons. Soyez avertis, une fois dans le lecteur, impossible de l'arrêter. Le document de presse continue en disant « Aussi impressionnant live, le quintet montera sur les planches le 30 novembre au Scanner à Québec, ça c'est à 22h. » Et ça c'était hier, si je comprends bien. Non, c'est ce soir, si vous écoutez en direct le vendredi. Oui, ce soir, au Scanner à Québec, 30 novembre, et le 1er décembre, au Vieux Couvent de Saint-Prime à 21h. Autoproduit, Le Gouffre aux Chimères a été réalisé par Nicolas Bednarz, ex-Caféine et ex-Le Nombre, avec l'aide de Adrian Popovitch de Tricky Who, François Chevette qui travaille avec Yann Perrault, et Jocelyn Joe Gagné qui travaille avec les Breastfeeders. Et c'est masterisé par François Chauvette du studio Electric Bones et Éric Tessier du studio Harmony. Voilà, donc le disque est sur les tablettes depuis le 13 novembre grâce au disque Experience ou Expérience et de distribution DEP. Les informations sont sur psychoriders.com ou myspace.com/psychoriders, PSYCHORIDERS. Allez voir le unechance.com pour le lien. Ils sont nés à Allemagne en 99 et c'est en 2001 qu'ils ont traversé le parc des Laurentides pour venir s'installer à Montréal. Et voilà, donc leur album a été apparemment encensé par la critique autant que le public. Toujours bon savoir. Je répète l'adresse psychoriders.com ou myspace.com/psychoriders. Les liens sont sur le unechance.com qui est le site de l'émission. Voilà pour ça. On passe à Darling A, qui est une autre formation francophone, toujours du côté populaire, comme on l'appelle ici à C'est Fou. Un petit album, comment on pourrait appeler un maxi de seulement 5 pièces. On s'en va entendre les 3 premières et on commence par La Belle Époque tout de suite. À la chance au coureur, le poste d'écoute de C'est Fou au 89 FM dans vos oreilles. Harry, monsieur. Je retiens mon poids dans ce monde ingrat. Retour à la chanson coureur, plus de Darling et Pierre Lapointe en concert dans la forêt des Mal-Aimés. C'est au retour à C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. La chanson coureur continue avec une deuxième pièce de Darling A. Voici une vérité à C'est fou 89.1 FM. Sortie Darling A, Darling A, peu importe, sont bons. C'était trois pièces de leur album éponyme Darling A. On vient d'entendre Liberté précédée d'une vérité de la belle époque. Lisons un peu, si vous êtes d'accord. La nouvelle découverte plus puissante qu'une vitamine, dit le document de presse. Le groupe Darling A, je vais le prononcer comme ça pour voir, voit le jour à Montréal il y a tout près d'un an, lors d'un après-midi d'hiver typique, froid et humide. Catherine Darlington et André Ouellet discutent dans un salon et découvrent qu'ils nagent dans les mêmes waves sonores. Nos deux âmes Darlingness décident qu'il serait bien de dénicher un guitariste. André fouille alors chez lui dans quelques boîtes et trouve un coloc, Guillaume Bois, qui joue justement de la guitare. Par la suite apparaît Yannick Parent, un batteur échevelé. Depuis ce temps, ils forment ce beau mélange de styles et de sons bizarres. L'aventure ne fait que commencer quand Catherine et André se présentent au festival en chanson de Petite-Vallée et remportent le prix Étoile Galaxie de Radio-Canada pour la chanson ayant le plus grand potentiel radiophonique, Espace temporaire, une pièce qui est disponible d'ailleurs sur le darlinga.ca. Donc, on dit « Venez au gymnase découvrir Darling A, ce groupe plus puissant qu'une vitamine effervescente. Vous serez émerveillés par la musique et la variante des sons pop électro. » Si vous voulez plus d'informations et vous procurer le mini-album, c'est en vente sur le darlinga.ca, www.darlinga.ca. C'est là qu'il faut se rendre. Leur album est éponyme. En fait, c'est un maxi de seulement 5 courtes pièces. On espère en recevoir plus de leur part un jour. Darling A. On passe à l'album en concert dans la forêt des Mal-Aimés avec l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal dirigé par Yannick Nézet-Séguin. L'album de Pierre Lapointe, on dit les chansons essentielles de Pierre Lapointe en version symphonique sur CD. On parlera de ce CD-là un petit peu plus tard, mais commençons par les deux premières pièces. Au moins, non, je crois que c'est les quatre premières parce qu'il y a l'ouverture, ensuite tic-tac, une transition, et puis dans la forêt des Mal-Aimés, mais on commence tout de suite par l'ouverture. Vous écoutez le poste d'écoute de C'est fou, c'est la chance! Au coureur. À vous mes chers mal-aimés, à vous qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées, à vous qui êtes venus jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret des laissés dans la forêt des mal-aimés. Dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Dans la forêt des mal-aimés, comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Et pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? La... Bois d'eau de corneille, venez vite boire le liquide vermeil. Venez-vous saouler de blanchi sommeil, ici c'est sûr tout ira moins que bien. Si vous osez suivre le chemin, pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? La la la. Les quatre premières pièces de l'album de Pierre Lapointe en concert dans la forêt des mal-aimés à la Chance au coureur. Ouverture suivie de Tic Tac, suivie de Transition et de Dans la forêt des mal-aimés qui vient de jouer à l'instant. C'est super bon! C'est avec l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal dirigé par Yannick Lézet-Séguin. Les chansons essentielles de Pierre Lapointe en version symphonique sur CD, dit le document de presse. Le mariage de la pop et du classique n'est pas toujours qu'une affaire de raison. Hein? C'est vrai. Le 5 août 2007, devant plus de 100 000 personnes, le chanteur Pierre Lapointe et l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal, dirigé par Yannick Lézet-Séguin, démontraient avec force qu'ils peuvent aussi créer des véritables moments de grâce. Offert en clôture de la 19e édition des Francopholies de Montréal, ce concert extérieur inoubliable est aujourd'hui immortalisé sur le nouvel album Pierre Lapointe en concert dans la forêt des mal-aimés. Vous connaissez le reste du titre. Cet événement unique qui a marqué profondément l'imaginaire de tous ceux et celles qui y ont assisté est l'aboutissement de la rencontre entre deux artistes pour qui l'ouverture et sensibilité sont des valeurs incontournables. Parfaitement adapté à son nouvel écrin symphonique, l'univers singulier de Lapointe est transcendé par la force d'évocation de l'orchestre dirigé de main de maître par les Séguin. L'enthousiasme des deux entités musicales est palpable à travers ces relectures des chansons essentielles du répertoire de Pierre Lapointe. Le tout est rehaussé avec subtilité par les arrangements de Yannick Plamondon, Marc Ouellet et Philippe Brault. Cette même énergie a marqué l'ensemble du projet qui, de l'aveu de ces deux maîtres d'œuvre, s'est déroulé sous le signe de la complicité et du respect, mais avant tout sous celui d'un plaisir spontanément partagé. La plupart des succès de l'album éponyme de Dans la forêt et... Pardon. La plupart des succès de l'album éponyme et de la loi La forêt des mal-aimés, voilà, incluant certaines versions tirées de l'album Remix 2x2, sont propulsés vers de nouveaux territoires sonores par l'interaction entre la formation de Pierre Lapointe, les mal-aimés, qui sont Josiane Hébert, Philippe Brault, Philippe Bergeron et Guido Delfabro, et les musiciens de l'Orchestre métropolitain. Du Columbarium à 2x2 rassemblé, en passant par l'instrumental 25-1-14-14, Les interprétations inspirées se succèdent dans une agréable continuité, nous réservant un flot incessant de surprises au détour des refrains. Magnifié par la puissance des cordes, des cuivres et des percussions de l'orchestre, La forêt de Pierre-Lapointe n'a jamais été aussi luxuriante. Avec ce disque live, dont la pochette est signée Studio Feed, Pierre-Lapointe appuyé des mal-aimés, de Yannick Nézet-Séguin et de l'Orchestre métropolitain conclut de brillante façon le cycle entamé avec La forêt des mal-aimés et se consacrera désormais à la composition en vue de son prochain album studio. Si vous voulez plus d'informations, hein, pour en savoir plus sur Pierre Lapointe, allez voir le www.pierrelapointe.com. C'est aussi simple que ça. Nous voilà arrivés à la fin de la première heure et comme toujours à la fin des heures, on écoute un petit peu de musique du monde. Cette fois-ci, on écoute Putumayo Kids Presents Celtic Dreamland, chanson merveilleuse pour le dodo, pour le lit et pour la relaxation des enfants. Ça vient des traditions de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Est du Canada et partout ailleurs dans le monde. On écoute une pièce de Lasser Fionani Konaola Kassad An Sugain. Et restez là parce que la deuxième heure s'en vient à la chanson coureur à C'est fou 89.fr. La deuxième heure de la chanson coureur, le poste d'écoute de C'est fou, l'émission qui découvre les nouveautés musicales reçues à la station pendant la semaine. Je m'appelle Mathieu Plante et maintenant, j'accueille avec moi en studio comme ça, là, Danny Janvier. Hey, sortez les tambours et les trompettes, j'arrive! Yeah! Ah! Salut! Salut! Salut! Ça va bien? Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ah, excuse-moi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui plus tard? Face à l'Est, un nouvel album de Guillaume and the Coutu Dumont. Oh. C'est l'nom de band, de projet. Finalement, c'est un gars tout seul. Comme Mathieu et les Plants. Mais sérieux, le gars, là, il est quasiment plus nerd que toi. Je te dis, tu le verrais. Arrête ça. Non, tu vas. Tu iras voir les photos. Okay. Et puis, la formation Hologramme qui nous vient du Japon. Ça, c'est A Little Bit Later, mais avant, on continue notre spécial francophone parce qu'on a reçu des casillons. De nouveautés francophones depuis les dernières semaines. C'est beaucoup de camions, ça, des casillons. Excellent. La semaine passée, je vous avais promis de passer du plume à traverse. Ben, le voilà cette semaine. Il retentit avec son album hors saison, entre guillemets, français. Oh, voilà. Plume la renverse. Et avec une main à l'arrière. Et un bonhomme de neige un peu désabusé sur le dessus, je trouve. Oui, on dirait qu'il a été abusé, ouais. bonhomme de neige sous. Mm-hmm. Et on s'en va entendre la pièce Lisabelle tout de suite à la chance. Au courant. Yeah. Ouh, vas-y, plume. C'est joyeux. Elle enchaîne les frissons, elle déchaîne les passions. Isabelle, elle frétille comme une fleur, elle émoustille les cœurs. Isabelle, de toutes elle est la plus belle. Dans notre dos, elle tisse des ailes. C'est la top de notre pote, on n'en doute pas pantoute. Isabelle, on l'admirait tout le long de la semaine. Sa fière allure nous faisait marcher droit. On bombait le torse, on se rentrait la bédaine. Sa performance pesait sur notre foi. Sur notre foi, on misait sans façon. On s'emportait troupeau à l'unisson. Elle éprône la foule, elle donne la chair de poule. Isabelle, elle ondule de la croupe avec le vent en poupe. Isabelle, de toutes elle est la plus belle. Dans notre dos elle tisse des ailes. Et dans ses grands yeux noirs, on voit ruer l'espoir. Isabelle, 6 mois plus tard dans une écurie noire, je vais l'aborder pour la première fois. En lui donnant des coups de joue sur le derrière, pour lui hennir tout ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi si j'ai fait cette chanson. Tu me fais rêver comme un vieux canasson. Elle sème ses pommes au trou, elle attire les moineaux. Isabelle, sa crinière palotant sous un ciel éclatant. Isabelle, de toutes elle est la plus belle. Dans notre dos elle tisse des ailes. C'est la plus belle jument des sous le firmament. Isabelle, de toutes elle est la plus belle. Dans notre dos elle tisse des ailes. C'est la plus belle jument des sous le firmament. Isabelle, c'est grâce à toi si je chante la pomme. Tu me fais rêver comme une vieille bête de somme. Dans des pommes qui somme pom pom pom. La radio de l'UQTR depuis 10 ans. 89.1 FM. Les niaiseux s'en vont. Maquillés comme des tartes, les niaiseuses se répandent en sortant de leur appart. Les niaiseuses partent en vacances dans le sud en hiver. Elles couraillent les pistes de danse et adorent prendre un verre. Y'a les niaiseux jeunes et fofolles qui suivent la mode en vrac colonne. Y'a la niaiseuse à l'œil frivole qui papillonne. Y'a la niaiseuse à cigarette qui fume à la porte du bureau. La vieille niaiseuse d'opérette qui fait son show. Les niaiseuses aiment réfléchir dans les salons bronzants. Le miroir veut se faire dire qu'elles ne font pas de rang. Les niaiseuses talonnent leurs chiens, crottés le long des parcs. Pointilleux niaiseuses, elles aiment bien que l'affaire soit dans le sac. Y'a les niaiseuses qui prennent des airs, qui boudent et en font tout un plat. Y'a la niaiseuse à cellulaire qui tombe à plat. Y'a la niaiseuse un peu simplette qui se prend pour une humoriste. Y'a la niaiseuse ancienne vedette qui a le vin triste. Niaiseuse. Niaiseuses font leurs annonces dans le petit écran. Les niaiseuses se vendent à l'once avec les dents en rang. Les niaiseuses passent des jours à se mettre la poudre aux yeux. Aussi finissent-elles toujours par trouver leur niaiseux. Ainsi finissent-elles toujours par trouver leur niaiseux puis faire des niaiseries. Veuillez noter que les commentaires de nos animateurs sont des opinions personnelles et que cette émission s'adresse à un auditoire ouvert d'esprit. Merci. Pour tout commentaire, faites le 819-376-5183 pour nous rejoindre en studio. Silence, toi. Est-ce que vraiment vous avez traité M. Lorrain de vieux sale? Est-ce que vraiment vous l'avez heurté dans les parties génitales? Est-ce que vraiment vous l'avez coincé dans l'escalier en spirale? Est-ce que vraiment vous lui avez botté le bas de la colonne vertébrale? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Attire l'arigot. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment vous avez traité Madame Montreuil de grosse vache? Est-ce que vraiment vous y avez dit ta gueule ou on te l'arrache? Est-ce que vraiment vous y avez vidé le dent des joues sur le dash? Est-ce que vraiment en la tirant fermement par la moustache? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Attire l'arigot. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Le comité déontologie est sur le gros nerf depuis 2 mois et demi. Y a plus personne sur le plancher, plus personne qui sait sur quel pied danser. Silence, toi. Est-ce que vraiment vous avez maintenu toute cette race en quarantaine? Est-ce que vraiment vous avez fait preuve de barbarie humaine? Est-ce que vraiment vous avez basané ces pauvres énergumènes? Est-ce que vraiment vous avez tapoché ces pauvres phoques sur la graine? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Attire l'arigot. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment vous n'accordez à ça aucune sorte d'importance? Est-ce que vraiment le viol vous touche autant que votre cul s'en balance? Est-ce que vraiment vous avez assourdi ces enfants en silence? Est-ce que vraiment pour leur voler la grosse part de leur innocence? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Attire l'arigot. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Un tribunal international est un peu partout dans toutes ses annales. Y a plus personne sur le plancher, plus personne qui sait sur quel pied danser. Ben oui. Et Hey, toi. Hey, toi. Hey, toi. C'est moi qui parle. Bien sûr. Monsieur Marin de Babouin. Madame Thibault de Vieille Dinde. Monsieur Lacroix de Crosseur. Monsieur Ahmed d'Arriéré. Attilario. Les trois premières pièces de l'album de Plume à Traverse qui s'appelle Hors Saison. Donc voilà, parlons un petit peu de Plume à Traverse. C'est à l'hiver 2003 que Plume offrait à son public ses dernières compositions originales sur le disque Chant d'épuration. Et bien, depuis le 20 novembre, près de 5 ans plus tard, il a comblé ses fans avec une cuvée nouvelle, Hors Saison. Ce joyeux CD se veut le résultat d'une expérience menée l'été dernier lors d'une tournée de petites salles à travers le Québec. Comme à l'époque des boîtes à chansons, le public a pu écouter, découvrir et apprécier des pièces originales avant même que celles-ci ne soient crucifiées sur disque. Hors Saison gesticulait déjà en gestation dans sa propre pochette ventrale. En bon archer de Jésus, l'auteur lance ses flèches à plumes en plein cœur des patineuses, une reprise fort prisée de l'album Chanson Nouvelle, effleurant au passage les accommodements démesurés, les beautés de la télé-réalité, les laideurs du temps qui passe, l'amour rural, la mélasse et autres instruments aratoires du genre. Hors Saison, ses 15 peintures verbales et musicales où les textes non coupables se retrouvent bien assis entre une guitare, un piano et une basse. La chanson dans sa plus simple expression. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, passez par lunechance.com. Il y a un lien vers son site qui est le fan9 avec un ph.ca/plume. C'est un peu dur à retenir. Le nouvel album, c'est Hors Saison de Plume La Traverse. C'était bon. Ben, je suis sûr que les gens vont faire Google sur Plume La Traverse et ils vont tomber sur son site aussi, assez c'est simplement. Vrai. C'est vrai, mais qu'est-ce que Google quand on a unechance.com? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Google vient de prendre la barre. Peut-être que Google va acheter ton site un milliard. Sûrement un milliard de cents. Un milliard de dollars. Ah, de dollars! Encore plus d'argent! Dollars! On va pas m'acheter des jujubes. Bon. Donc, Plume à Traverse, c'est très bon. On passe à notre prochain album de francophone. Il nous en reste encore quelques-uns. On écoute Étienne Dao. L'album s'appelle L'Invitation. Et il nous invite à entendre la première pièce de l'album. Et elle commence comme ça. Avec des claquements de mains puis de doigts. Des petits claques. Hein? C'est bon, on va le laisser faire à la place d'en faire le même. Ça va être meilleur. C'est ça. Je brûle des tentacules m'attrapant du fond des enfers. Me donne la cruelle sensation de marcher pieds nus sur du verre. La bonté de ta main généreuse et parfaite qui me fait signe d'avancer. Me donne l'aimable sensation d'être à la vie de nouveau convié. Jusqu'à ce que repu l'on en meure. Tu m'invites à prendre ma place, à partager le miel des honneurs de ton cœur. Volontiers j'accepte le meilleur traitement que l'on réserve tout exclusivement aux invités, le festin nu qui fait les langues au soir se délier. À tous ces nectars affolants dont le poison noir et pourpre fait battre indécent le sang des amants. Ton baiser confiant m'appelle à un tout autre destin adoré. Me donne l'aimable sensation d'être à la vie de nouveau convié. Convié. Je veux toute la partager à la table des poètes, des assassins, tout comme moi ici convié. Volontiers j'accepte le meilleur traitement que l'on réserve tout exclusivement aux invités, le festin nu qui fait les langues au soir se délier. C'est fou dans vos oreilles. Tu as toujours cette air étrange quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien dans cette chienne d'existence, chienne de vie. Que tu me ressens comme un double, que je suis ton fauteur de trouble, que tous les autres sont vraiment trop cons et vraiment pourris. Qu'au milieu des châteaux de sable, je reste ton élément stable, et qu'avec moi, tu voudrais bien niquer la vie. Mais que si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Tu dis avec cet air étrange que lorsque nos corps se mélangent, c'est une ultime symphonie, un pas vers l'infini. Que tu me ressens comme un double, et que ça jette en toi le trouble, et que nous sommes insolemment gâtés pourris. Que si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Que si tu flirtes avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis. Tu dis qu'artiste est invivable, et bien aller au diable, et bien souvent tu me hais, ouais, tu me maudis. Que cet amour t'est dépendance, que ce serait ta délivrance, de me dire adieu, au revoir et pour tout, merci. Alors tu n'es plus du tout la la la la, puis tu me recherches. La la la, la la la, et c'est reparti. Tu as toujours cette air étrange quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien dans cette chienne d'existence, chienne de vie. Mais si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Que si tu flirtes avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis. Retour une dernière pièce d'Étienne Dao et le bloc fidèle au poste de Danny Janvier à la chance au coureur. Ouais. Vous êtes à la chance au coureur et tout de suite une dernière pièce d'Étienne Dao et juste après Danny Janvier. Comme un chant qui m'obsède, lancinant et obscène, tous les signaux d'alerte disent attention, ton âme me possède, mais en moi je réfrène, mille pulsions secrètes, mille démons. Ta résistance m'attise, j'en brise le mécanisme. Tu tu tu tu tu tu tu tu. Et tu perds tout contrôle de la situation. Si tu fais tous tes choix uniquement en fonction de tes peurs, jamais de tes envies, la morsure du souvenir reviendra t'envahir. Et je deviendrai à mon tour ton obsession. penchant qui t'obsède. Je t'offense et tu cèdes à toutes les terreurs, la superstition de l'idée fixe le syndrome. Tu as tous les symptômes. Oui, tu perds tout contrôle de la situation. Si tu fais tous tes choix uniquement en fonction de tes peurs, jamais de tes envies, la morsure du souvenir reviendra à t'envahir, et je deviendrai à mon tour ton obsession. La parure du souvenir viendra tout embellir. Obsession, obsession. La puissance du désir viendra te dégourdir. Obsession, obsession. La morsure du désir viendra te faire souffrir, et je deviendrai à mon Étienne Dao avec la pièce L'Adorée de l'album L'Invitation. Moi, j'aurais pu te dire c'est L'Obsession, le titre, parce qu'il l'a dit beaucoup de fois. Dans... C'est vrai, hein? Ouais. Mais c'est peut-être très bon, ça. Il y a eu Obsession avant, par exemple. Ah, si je comprends. Ah non, t'as peut-être raison. Ok, non, c'est L'Invitation, Cet air étrange et puis Obsession qu'on entend. Ben oui, parce que là, il l'a tellement dit de fois dans la toune. En tout cas. Faut vraiment pas l'écouter pour pas s'en rendre compte, ouais, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on dit. Étienne Dao, en magasin depuis le 6 novembre, il voulait faire un disque de soul. C'est pas un disque de sous, un disque de soul. De soul. Il a fait un album de l'âme. L'Invitation, 9e album studio d'Étienne Dao, est l'œuvre d'un homme lucide et mûr qui retranscrit les tourbillons de l'âme sur une musique inondée par le soleil, la chaleur et la grâce, apaisant les cœurs qui brûlent, réchauffant les larmes tièdes. Production audacieuse à l'énergie contagieuse, L'Invitation ne s'inscrit pas dans une période ou une tendance, mais échappe au temps, comme si ses 11 titres ardents, empreints de spiritualité, avaient toujours existé, dit le document de presse. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le Étienne Dao, DAHO.com ou MySpace.com, / Étienne Dao. Les liens sont sur le Une Chance. Comme je rappelle le nom de l'album, L'Invitation de Étienne Dao. Oui, qui était très fidèle à lui-même, un électro avec du texte, très bon, très planant, j'aime ça. Parlant d'électro, ben Danny est là pour son super bloc Philopost. Ouais, et comme depuis quelques semaines, je vous amène tout le temps un album bien planant, un album qui groove les fesses un peu. Eh bien, je fais la même chose encore cette semaine. Je vous présente une formation qui nous vient du Japon. La formation s'appelle Hologram. Et puis, leur album, très originalement, s'appelle Hologram Plus, ou Plus, comme on dirait. Et puis, ils se qualifient d'électro-ambiant expérimental, qu'on entend derrière moi. Et moi, je dirais, ils se qualifient d'IDM. Tu te rappelles ce que ça veut dire, de l'IDM, attends, Mathieu? Non. Non. Intelligent Dance Music. Ah! Donc, on pourrait qualifier aussi de post-rock. Parce que c'est un groupe, c'est pas produit par ordinateur. Il y a quelques samplings, etc. Il y a des synthétiseurs, mais c'est un groupe avec drum, bass, voix, guitare. Donc c'est très très bon. Ben en tout cas, faut aimer le genre. C'est un album que je pourrais dire qui s'écoute vraiment à peu près à tout temps si vous avez le goût de relaxer, si vous avez le goût de faire la fête, changez d'album. Ils se sont formés en 2003, mais ils se sont restructurés jusqu'en 2007 avec des changements de membres. Mais leur premier album avait été fait en 2006. Depuis ce temps, ils ont joué beaucoup à Tokyo, au Japon, et ont aussi joué aux États-Unis lors de festivals comme le Southwest Music Festival et aussi ils ont joué à Austin au Texas. Donc quand on pense qu'au Texas il y a juste des rednecks, et non, il y a de la bonne musique et des bons festivals de musique qui existent là. Comme je disais, on peut qualifier ça de post-rock parce que c'est une formation post-rock électronique qui crée une musique, comment je pourrais dire, et des sons qui veulent faire ressentir les couleurs, veulent faire ressentir les senteurs, la lumière, les changements de température. Donc une musique sensorielle, qu'on pourrait dire, finalement. Et puis, leur jeu musical est très subtil, très planant, comme on entend. C'était tout en douceur. Des slide bass, des guitares aériennes et transparentes. Bercé quelquefois de voix. Une fille qui chante avec beaucoup d'écho dans la voix. Un petit peu plus tard dans la pièce, on va l'entendre. Et puis ça, tout ça dans une qualité de son vraiment exceptionnelle. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que les musiciens changent de rôle. Le guitariste devient bassman ou devient drummer. Le drummer devient guitariste, devient clavieriste. Et donc, ça donne des musiques ou des sons un peu différents. Ça donne une originalité au son du band. Et puis, la pièce qu'on écoute, c'est la pièce Moon, qui contient tous ces ingrédients-là. Vous allez voir, il y a des bouts calmes, il y a des bouts un petit peu plus... je peux pas dire rock parce que ça rock pas, là, c'est pas rentre dedans. Mais vous allez voir tantôt, il y a du drum, il y a des guitares qui montent un petit peu plus. Et puis l'important, ben, c'est je pense que je ferme ma gueule et qu'on écoute la pièce. La pièce Moon du projet Hologram, band de post-rock, 4 membres. Je peux vous nommer les membres. Saori Yokohama à la bass, keyboard, organ, glockenspiel et sampling. Kensuke Takahashi à la guitare. Go Hidaka au drum. Et Tsubasa Ehara aux guitares et sampler. Mais comme je vous disais, ils s'échangent de rôle. C'est leur rôle principal. Mais parfois, dans d'autres pièces, ils s'échangent de rôle. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, il y a bien sûr le unechance.com. Et puis, si vous voulez aller directement sans passer par une chance, eh bien, il y a le hologramme.velvet.jp parce qu'ils sont au Japon. C'est beaucoup plus facile à retenir, ça. Non, mais il y en a un qui est facile, par exemple. Bien, sûr qu'une chance, c'est dur à manquer. C'est dur à oublier. Hein? Et sinon, il y a le MySpace au myspace.com/hologramme.jp. Hologramme, ben, c'est hologramme, pas de E, bien sûr. Et c'était ça. T'as-tu aimé ça, Mathieu? J'ai vraiment beaucoup aimé ça, Danny. Très, très bon. J'ai aimé, c'est Virginie, c'est ça? Petit commentaire, un petit peu Coldplay. C'est ça, c'est là que je vous disais, c'est un vrai band. T'sais, c'est pas de la. C'est classé musique électronique, mais dans le fond, c'est juste musique planante. C'est vraiment juste parce qu'on n'a pas de catégorie musique planante. Exactement. On entend la voix de la fille. Oui. Ouais, puis c'est pas une voix dérangeante. Là. Non, c'est très doux. Ouais. Je suis content, c'est ça, tantôt, on l'entend, mais tellement peu. Dans l'autre pièce, on l'a entendu quelques fois, mais j'avoue qu'une pièce comme ça aurait pu vous montrer une autre facette du Ben, qui est très planant. Une voix de jeune femme asiatique, très planante, tout autant. Oh. Prochain album, Danny. Et oui, là, c'est par exemple, ça va bouger un petit peu plus. C'est M. Guillaume Coutu-Dumont qui a parti son projet qui s'appelle Guillaume and the Coutu-Dumont. Et puis, c'est vraiment bien. Une excellente ambiance, très groovy. Le beat ressemble un peu, comme je te disais tantôt, hors d'onde, à DJ Champion, mais un petit peu plus expérimental, moins facile, très énergique. Un beat pas trop dense à la 140-150 BPM comme on a sur le dance floor, ou non plus pas trop relax comme du ambiant. Mais vraiment, un petit son qui arrive. Il y a plein de petits sons qui arrivent de nulle part. Un petit son qui arrive à nous faire bouger du pied ou brasser les fesses. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, une musique qui est quand même minimaliste, mais qui surprend. Tu sais, c'est la musique qui est très linéaire. Ça part au point A, ça se rend au point Z en restant comme toujours pareil, mais il y a toujours des éléments qui se rajoutent, toujours des petites mélodies ou des sons qui arrivent, comme je disais tantôt, de nulle part. Ça surprend, c'est peut-être un album parfait pour faire du ménage. Et puis, c'est ça, juste pour vous dire, le gars, c'est un gars de Montréal. Et depuis 2007, depuis janvier 2007, il se promène en Europe. Il est basé même à Paris-Berlin. Il se promène vraiment partout. C'est drôle qu'on en entend parler aujourd'hui, dans le sens on n'a pas entendu vraiment parler depuis que ça marche. Aujourd'hui, il joue le 30 novembre à Valencia. Il y a 2 jours, il était à Barcelone. Juste un petit peu avant, quelques jours avant, il était à New York. En décembre, il va visiter Francfort, Jena, Berlin, pour ne nommer que ces endroits. Donc, une musique qui voyage. Et c'est une fierté québécoise, finalement. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, le myspace.com/ Guillaume de Coutu-Dumont ou unechance.com. Et puis, on va écouter, on écoute déjà la pièce Dom Dom sur son album qui s'appelle Face à l'Est. C'est le fun qui a mis un nom français. Ouais, vous synthonisez le poste d'écoute de C'est fou, c'est la chance ou quoi? la pièce Dum Dum de Guillaume N. de Coutu-Dumont. Et ça va être plus facile d'aller sur unechance.com pour avoir de l'info. Et puis, ben, c'est ça, vous avez entendu, quand même assez trippant. Hein? C'est assez difficile de choisir une pièce sur un album du genre parce qu'il y a beaucoup de pièces qui étaient très, très, très bonnes. Je pense qu'on va se quitter pour les nouvelles avec ça. Hein? Absolument, Danny. La pièce Can't Cheat With Concrete. La chance au quoi? C'est un poste d'écoute de ces fous. Merveilleux. Dans la troisième heure de la chanson coureur, on va entendre un grand succès futur, là. Québec, je te chante. Faut absolument qu'on joue ça. Ça a l'air tellement mauvais. Là. Ouais, ça va à peine. Ça va à peine. On va aussi entendre Ingrid, une étudiante de l'UQTR. Hein? On va entendre aussi un petit peu de rap. Et si vous êtes fin, du Gorillaz, avec l'album D-Size qu'on a enfin reçu à la chanson coureur. Et Yoav. Ça va être You're Gonna Have a Good troisième heure. À la chanson coureur, mais pour l'instant, les auditeurs du vendredi s'en vont s'amuser aux nouvelles de Radio-Canada qui va sûrement parler de Ingrid Betancourt puis de l'autre. Hein? L'allemand. Armachnere. Ouais. Sûrement. Même la reprise dans 6 mois va encore sûrement parler de Ingrid. Peut-être même les clowns au Soudan là, qui veulent tuer. Mohamed. Ouais, c'est ça, l'affaire du toutou. Là. Ouais, ça c'est. Moi, en tout cas, je conseille à tout le monde d'appeler le toutou Mohamed puis faire des jokes sur l'islam. Ok. D'accord. Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Bonjour, c'est la troisième heure de la chanson au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales reçues à la station. On fait ça avec vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et je suis toujours en compagnie de Danny Janvier, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Dans cette troisième heure de notre spécial 72% francophone sans agent de conservation, on aime le dire. Donc, beaucoup de francophones encore à faire. On a Ingrid qui s'en vient dans quelques minutes et du rap. Mais avant, on commence par un futur succès. Là, vous l'avez peut-être entendu. En tout cas, j'espère que non pour vous. Parce que vous êtes peut-être mort maintenant que vous l'avez entendu. On s'essaye quand même. Voici la pièce Québec, je te chante pour les 400 ans. 100 ans même 400 de Québec. Ah oui, 400 ans. 400 ans. On peut peut-être pas l'écouter au complet. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est la pochette qui me fait vibrer. Ouais, t'as-tu vu la pochette, Danny? Regarde bien le livret, OK? Tout blanc à l'intérieur. Rien. Y a rien dedans. C'est quoi ça? Y a 42 pages blanches. Non, mais gars, imaginez ça, là, c'est un concours qui était lancé aux auteurs-compositeurs, et c'est ça qui a gagné. Imaginez la merde qui est envoyée pour... Hey, c'est fait avec un Casio, le beat. Ouais, et là, en plus, non seulement le livret est blanc, OK, partout, mais le CD, OK, il y a genre 10 pièces sur le CD, et c'est toute la même toune. Aucune... Le même timing. C'est pas le même, des arrangements différents. Non. C'est la même toune 10 fois. Non, mais pourquoi ils veulent être si cheap que ça, Québec? Je comprends pas. OK, je vais vous lire des extraits de paroles à la place, OK? Ça va être plus divertissant. Il aurait pu aller chercher des artistes là, alternatifs et dire, ouais. On vous paye un petit peu. Là, pis... Il y a sûrement un groupe qui vient de Québec qui est populaire, là, Pascal Picard. Hey, les Québec, les Goules, n'importe quoi. Il y a plein de bennes à Québec. Québec, je te chante. Québec, tu nous enchantes tous les ans depuis 400 ans. Par le fleuve, l'avenue te surmonte. On y voit tout le monde. On y remonte le courant pour y découvrir le monde. Du haut de ton cap diamant, d'où on y voit les reflets de diamants tous les ans depuis 400 ans. C'est beau, hein? Mais c'est atroce. C'est vraiment affreusement mauvais. C'est sur Goodzy Music. Hein? Goodzy Music. Goodzy. Ils ont une très bonne production, en tout cas, on peut dire, on peut leur donner ça. Très bonne prod. Ils ont un très bon Casio qui fait les beats, qui fait la musique. Tout sort du même clavier. Et puis, un très bon infographe aussi qui a fait une pochette remplie de pixels. Ils ont travaillé sur le logiciel par excellence pour faire du graphisme. Paint, MS Paint. Oui. Et ils ont pris des photos dans Google. Oui, Images, évidemment, Google Images. Puis, ils ont même pas pris, genre, ils ont pris juste la photo du lien. Et non, la vraie photo. Ils l'ont étiré, ils ont juste fait le petit thumbnail, la petite miniature. C'est très beau. On félicite la ville de Québec. Oui, vraiment, c'est une belle affaire. Ils ont pas de. En tout cas, je vois pas de site web pour Goodzy Music, mais si vous voulez leur écrire, pourquoi pas, c'est Goodzy, G-O-U-T-Z-Y, vente à vidéotron.ca, où vous pouvez les visiter en personne, leur péter la gueule. Écoute ça, faut te remettre du beat un peu. C'est atroce, sérieux. Ah! C'est pire qu'une parodie, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pire. Moi, j'aime mieux la toune tes lettres, là, tu sais. Il y a une toune qui joue, là, genre des merdes, là. Non, en tout cas, t'as pas entendu ça. Tes lettres. Ah, ça me dit quoi, vaguement, mais pas plus que ça. Ouais, non, c'est atroce comme musique, mais c'est quasiment aussi bon que ça. C'est que des hits à la chanson courante, on aime c'est ça. C'est vraiment fort. Québec, je te chante 400 ans, je sais pas, 400 ans, en tout cas. Ah, mais c'est 400 ans. 400, il y a un S, hein? Il y a un S. Ben, hein? C'est parce que 400. Il y a un S après le T, non? Ah ben, je pense pas que la règle soit comme ça, mais ça, c'est très, très possible. Parce que 400 ans... Ouais, je sais, mais il y a bien des affaires en français qui... En tout cas, vous nous appellerez si vous êtes meilleur que nous en français. T'as sûrement raison, parce que c'est écrit avec un S dans le texte. Ouais. Mais on sait pas hein, s'ils corrigent leur texte. C'est genre chez Goodzy Music. Hein. Chez Goodzy ou Goodzy? Goodzy. Goodzy Music. C'est bon. En tout cas, bravo, pour les 400 ans. 400 ans. Je pense que ça va faire... Non? D'accord. Hey, le gars, il s'est pas chanté en plus. Là. Ben, ils ont pas grand-chose pour eux autres, en tout cas. Hein? En tout cas, bravo. Bon, changeons de style pour quelque chose qui, pour quelqu'un qui a quelque chose pour elle, selon le fait qu'elle a gagné Écouteur en spectacle l'année dernière et qu'elle a gagné Université en spectacle aussi, c'est Ingrid. Elle est de l'université. Elle était en spectacle cette semaine. Le 27. Il paraît que ça a vraiment bien fonctionné. Tant mieux pour elle, c'est super. Oui, on avait passé un petit peu, la semaine dernière, on avait passé un extrait de la pièce-titre Une Luciole sur un high pour parler du spectacle. On va entendre cette pièce au complet aujourd'hui, suivie de Tsé. Ça vient de son album Une Luciole sur un high. C'est Ingrid Saint-Pierre ou juste Ingrid maintenant. Ben, comme Céline. Ben, c'est comme Cher. C'est ça. Comme Tide. Tide que je suis un nom. Parce qu'on sait pas que le nom de famille de Tide, c'est... C'est Blanchard. Tide Blanchard! Tide Blanchard. En anglais, bien sûr. Donc, t'as la chance ou quoi? Tide White. Tide White. OK. Viens d'en faire un tour dans mes yeux. Ça fait un bout qu'on s'est jasé. Ah ah. Les jours de pluie, c'est fait pour se coller. Une place dans la lune. Je suis tout le temps, c'est même pas loin. On embarque le temps d'une tonne au moins. Mais tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Bizarre, entortillé bien à l'abri, comme ça peinard. Y'a une panne de courant sidéral. T'inquiète, je te vendrai les étoiles. Ce sera des lucioles filant sur un rail. Des lucioles filant sur un rail. La vie est trop maligne quand t'es pas là. Tu sais que la vie est trop maligne quand t'es pas là. Je sais que je suis distraite et maladroite et dans la lune très très souvent. Je sais que j'ai jamais les bas de la même couleur. Je sais bien que tu me comprends. Même pas besoin de scénario. On n'a qu'à se parler sans dire un mot. Barricadé en parenthèse en écoutant du Damien Rice. Mais tu sais que la vie est trop maligne. T'es pas là. C'est que la vie est trop maligne quand t'es pas là. faire un tour dans mes yeux. Une dernière fois encore. Une dernière fois encore. Et moi je m'en irai danser dans le trou de ta guitare. Visitez le www.cfou.ca 89.1 FM. Viens-t'en jouer à l'étourdi. Allez, on se mettra à l'abri de toutes ces anémies mentales, de tous ces créneaux en rafale. Ici, on a l'esprit en anesthésie générale. Allons, se pousse dans un 5 étoiles, un tout compris cérébral. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-dam. Mais qu'est-ce que t'attends? Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? Et la lune sur son chiffre de nuit, et moi je suis là, puis toi aussi, je t'attendais pas. Mais t'as mis des aurores dans mon 3,5. Y'a tout plein d'anges dans mes souliers, et mon petit cœur feu d'artifier, on est bien mieux dégoupillé. J't'écris une tonne dans un café, sur une vieille facture de GP. Je sais pas, j'avais le goût de te parler. C'est fait peut-être kitsch, ouais, je sais. Mais ce que je te dis, c'est pour de vrai, de vrai. Tu sais. Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? Y'a la lune sur son chiffre de nuit, et moi je suis là, puis toi aussi, je t'attendais pas. Mais tu sais, dis-moi des trucs d'amoureux, les yeux fermés. Deux pièces de Ingrid, une luciole sur un hype, puis t'sais. À la chanson coureur, c'est fou, 89.1 FM, Ingrid Saint-Pierre, de son nom au complet. Elle est étudiante à l'UQTR. Elle a gagné UQTR en spectacle. Elle a, si je me rappelle bien, gagné aussi l'université en spectacle. Je ne crois pas me tromper, peut-être. Donc, voilà, ben, c'est un avant-goût. C'est un style. Donc, Ingrid, une mission sur un. On passe à notre prochain album de francophone. En fait, c'est le dernier. Enfin! On a fini notre pile de francophone de 4 pieds 11. Oui, mais on dit pas ça parce qu'on aime pas ça. Là. On ben adore non. le francophone. C'est juste qu'il y en avait beaucoup. Une pile, bah. Comme tu dis, ça mesurait 4 pieds et 11. Presque 5 pieds. Presque 5 pieds, on pourrait dire. On pourrait dire. Donc, dernier album, ça tombe dans nos cordes parfaitement. Totalement, c'est ce que j'aime. It's rapping? Moi, je suis rapper. C'est du rap dans la rue. Rap de rue. Rap, le chiffre de rue. Rap de rue. Rap de rue. 2007. Yeah. Yeah. Donc, spin en fait, that shit. Il y a deux CD. Un CD spécial Île-de-France et un CD 2 spécial Province. D'accord. Mais avant de passer à ça, rapidement, ça reste invariable si ce n'est pas multiplié. Mais ça prend un S, il est multiplié. Ce n'est pas suivi d'un autre nom. Par exemple, 300, ça prend un S. T'avais raison, 400 aussi. Mais on pourrait s'attendre à ce que 85 prenne un S. N'a pas. Mais moi, c'était ton 110 aussi. Ça prend pas de S. Non, 110, ça prend 410. Mettons 410 parce que ça reste 400 comme dans 400. Ouais. Il prend pas de S dans ce cas-là parce qu'il y a un chiffre après. Okay. C'est tout à fait logique. C'est les merveilles de la langue française. Je tenais à en parler. Mais tu fais bien, tu fais bien. On est de l'université ici, là. Mais tu sais que dans Rap de rue, là. Il n'y a pas de S, même s'il y a deux rues. Rap deux rues. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Il n'y a ni un S. Il n'y a pas de S. Donc, on s'en va entendre du côté CD 1, spécial Île-de-France. D'accord? C'est les artistes Seth Gweko et Camélan Sienne avec Pour les Rouillots inédits à la chance. Oh, rapper. les aiguilles là. C'est qui coca belle. J'ai un requin marteau dans le cerveau, c'est pour ça que je suis fait les tubocales. On te fait une clé du FC si tu perds les clés du local. Ils sont une clé barre dans la clé USB. Les lampadaires sont éteints en franquique, on veut le checkard dans le noir total. Ça sent la sauterie, soir son dort à l'hôtel. J'pète, j'rode, j'ai des problèmes de tuyauterie. Saloperie, j'ferai pas le million à la loterie. Que la Banque de France m'écarte ses grandes jambes de sauterelle. Un passement au cœur à chaque cartel qu'on démantèle. Un penchant pour les plages de Marbella. Aussi pour les portes jartelles qu'on dédentèle. Les porcs comme Charles Martel, faut qu'on les écartèle. La chevalière, j't'envoie une rafale de la vitre arrière. Nique sa mère de la Villardière. Et si les poulets font pas mourir de la grippe aviaire, arrête de jurer sur la vie de ta mère, la bite à l'air. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mettent des coups, des suie-glaces et des coups de chlasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui finissent pas mariés avec une ancienne poufiasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui s'autogramment leur caisse pour faire un coup d'asse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mitraillacent ta race. J'ai pas de cadeau, comme une rupture d'anévrisme. Interdit aux ados, c'est de l'intégrisme. En position montée, sur le rap, j'arrête pas de démonter, c'est du free fight, pas du rap. Même si tu t'affiches comme une bitch sur MySpace, écarte-toi du micro, quand je rappe il me faut de l'espace. Pousse rapé, rap duqué, vous m'enverrez désolé, c'est moi le quartier. Je rappe pour ceux qui savent même pas ce que c'est une souris d'ordinateur. Les mongols qui se tapent, t'as dit Lister à la Easter comme les Bilka. Je tombe à Bilka, mais l'ancien gars qui nique ta compile, la capiche. Je comprends que tu te fasses chier. Les rappeurs français, c'est qu'ils n'y font pitié. Prépare un guest day pour tous les amateurs de boxe taille frère. Tommy jette un bouteille idiot. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mettent des coups, des suie-glaces et des coups de chlasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui finissent pas mariés avec une ancienne poufiasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui s'autogramment leur caisse pour faire un coup d'asse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mitraillacent ta race. J'vois Alec, quand j'rappe, vous criez tout salé. Mes potes descendent de couilles d'anciens moujahed. Rap financé par des sous de malfrats pour me faire de la mouchacha. J'ai pas eu besoin de m'inscrire dans les cours de salsa. J'arrive sur toi comme un coup de chlassal. Normagal, sois inscrit chez les keufs à l'école, on les a hagal. Sois à la tête de la nouvelle porte et tu en plus, c'est les cargales. Drive-by en direct de la caravane. De bidon. Moi le rap, je lui donne le biberon. La rue sans moi, c'est comme la rue sans litron. Ça y est, c'en est trop. Donc je tire comme shooter, footeur de dawa dans les halls et les écouteurs. J'improvise mes textes, connard. La putain de main de maître, t'as vu les textes qu'on a. Cherche pas ailleurs, ici tout y est. On polish le rap, appelle-nous les Antillais. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mettent des coups, des suie-glaces et des coups de chlasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui finissent pas mariés avec une ancienne poufiasse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui s'autogramment leur caisse pour faire un coup d'asse. Ça, c'est pour tous les rouillacs qui te mitraillacent ta race. 92, 93, Tony Denza à la prod. 1, 7, Keko, Saint-Oil au monde, 95, Bozo. Ya, Gamel lance pour la main de maître. Mon putain de crame la bicêtre. Ah, Martin Negro, 91, Grigny la grande bonne. Ya, c'est Gamel lance, Poto 7, Keko. 1, Free Fighter. Ya, Hama, Paco. Ya. Et vous les coriaces et les poufiasses, restez sur les ondes de C'est fou parce que la chance au coureur revient avec une deuxième excellente pièce de l'album Rap de rue 2007. Hein? Poufiasse. Pourquoi on fait pas une émission de rap à la place? On lâche ça, la chance au coureur. Ben on devrait, on arrête, on change de mandat, juste du rap. Ben plus dans notre domaine. Ben voilà! Poufiasse. Quelle culture de respect. Vous êtes à la chance au coureur et tout de suite voici Camnouz et Fat de l'album Rap de rue. Je suis venu pour casser des bouches. Yo, si t'as pas pas le niveau pour ton sac et tes bouches. Si je suis là, c'est donc toi qui as dû rester sur la touche. Viens pour passer, dépasser tous les barrages, je les pousse. Yeah, yeah. C'est dans la manière de placer mes coups que j'ai fait ma place depuis que je suis resté debout. Fais monter la température comme un beaucoup tout coup. Si tu goûtes à ma camche, que tu vas devenir fou. J'aime quand ça fait péter les plombs. J'aime quand on dit putain, pour toi, t'es bon. Sans se doper de bite et tes boîtes, comme de m'assasser dans la boîte. Évite de poser tes pattes avec ma corde et tes pattes. Dans les postes et dans les chaînes, on est fat. À force de poser des cas, poser des plaintes. C'est les MC, trop fatigués de ramasser des coups. Ça va vite, ça sert de partout. Ça fait que beaucoup sont à bout. Fat. Je viens voter les patrons. Sors de mon wagon, calme, nous c'est son putain de jargon. Fat. Pour tous les mauvais garçons, qu'on goûte ma façon de poser et m'ont demandé pardon. J'ai le feeling pour devenir le king et mon style se popine. Je les pine dans le pied du hip-hop, tu devines à l'époque. On m'appelait déjà pour leur casser les jambes, pour leur casser les jambes. Mais à force du jump et ça c'est la légende. Je fais ça depuis que j'ai posé les gants. Moi dans ce milieu je veux devenir un monument. Donc on m'a dit vas-y lance-toi maintenant c'est le moment. Moi je suis parti plus vite que mon ombre étonnamment. Et j'ai foncé, défoncé ma force et dépensé ma façon de penser. Veux pas vous offenser mais je suis déchanté. J'ai du début de côté, j'entends qu'on a tenté. Je vois tant d'empoter, beaucoup se sont ratés qui les a dégotés. Et je suis venu pour donner le ton. C'est la vérité maintenant, je trouve que le milieu est devenu con. Parce que de poser comme ça c'est un don. J'apporte ma patte, ma motivation, beauté du son. Fat. Je viens voter les patrons. Sors de mon wagon, calme, nous c'est son putain de jargon. Fat. Pour tous les mauvais garçons qu'ont coûté ma façon de poser et m'ont demandé pardon. Je fais vivre un enfer à ceux qui me repèrent. Que je suis dans la lumière, c'est la vérité, ça va trop vite quand je perds. Ici j'ai trop de bouche à faire taire, j'impose ma guerre. La patate à mon flow et puis tu perds tes repères. Avec des tas de codes, je te fais bouger des pros. On m'a dit putain arrête maintenant s'il te plaît, y'en a trop. Alors que moi j'étais juste à peine devenu chaud. C'est devenu machinal, comment j'enchaîne les mots. Si tu crois que c'est dur et que moi j'ai du mal à t'enchaîner des balles. Passe ton mitraille, une petite rafale. Si tu raffoles du mal et de force à du mal et de putain de dalle. One shot, je te fais la totale. C'est le luxe, c'est la grosseur d'un backbo. Toi c'est le désert, moi je suis le backdo. On peut pas se passer de mon taf, de ma manière de battre. C'est ça, c'est de passer dans mes chats. Fat. Je viens voter les patrons. Sors de mon wagon, calme, nous c'est son putain de jargon. Fat. Pour tous les mauvais garçons qu'ont coûté ma façon de poser et m'ont demandé pardon. Fat. Je viens voter les patrons. Sors de mon wagon, calme, nous c'est son putain de jargon. Fat. Pour tous les mauvais garçons qu'ont coûté ma façon de poser et m'ont demandé pardon. Par tous les experts pompeurs, essaye de copier ça. On va entendre notre ami Cam News avec la pièce Fat inédite du CD 2 spécial province, précédé de Seth Gueco et Camelancien avec Pour les Royaux inédits de l'album du CD 1 pardon, spécial Île-de-France. Donc c'est les deux CD de l'album Rap de rue 2007. Si ça vous intéresse, Rap, le chiffre 2, rue 2007. Voilà. Maintenant on passe, on a fini francophone enfin. On peut dire qu'on est soulagé après, dans le fond, une émission de 3 heures la semaine dernière et 2 heures et demie cette semaine. Puis on enlève... il y a du stock. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de stock francophone. C'est presque sans exception, ça, là. Hein. C'est gros. Donc, on passe à de l'anglophone, Danny Janvier. Oui, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les Gorillaz. Oh! Ça, c'est très, très bon, rien tu sais, d'avance. Moins, rien de moins. J'ai même mis mes cœurs d'avance. Dans mon vendu, sur le site. L'album s'appelle D-Sides. C'est des pièces inédites, des B-Sides, des paquets d'affaires comme ça. Là. On en parlera tantôt. On écoute pour l'instant la pièce 68 State. Hein? À la chance! Au courant! Le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. On dirait genre le tableau de Bowser, genre dans Mario. Le méchant. Ça fait sortir le méchant. We'll be right back.

les trois premières pièces du nouvel album de Gorillaz, D-Sides. Hong Kong Town, précédé de People et de 68 States. D-Sides est un album compilation par Gorillaz. L'album contient des B-Sides et des remixes de pièces simples et de pièces bonus de leur deuxième album studio Demon Days, sorti le 19 novembre dernier au Royaume-Uni, le 20 novembre aux États-Unis. C'est disponible en version standard et en version deluxe. Le listing de version japonaise est différent, d'ailleurs. La couverture de l'album est une référence à une figure de pierre, la figure de pierre de Pazuzu dans le film The Exorcist. Qu'est-ce que ça dit sur Wikipédia? C'est rempli d'informations. Mais c'est très bon. C'est absolument excellent. Ouais, j'adore ça. J'aime pas toujours Gorillaz, mais ça, là, c'est vraiment bon ce qu'on a écouté aujourd'hui. Je suis pas un grand connaisseur de Gorillaz, mais ce que je connais d'eux, j'aime bien. C'est deux CD, en fait, D-Sides, donc si vous voulez vous procurer ça, Gorillaz avec un Z, évidemment, pour aller voir leur site web, gorillaz.com, ou passer par lunechance.com. Il nous reste à peine une dizaine de minutes à la chanson coureur, le poste d'écoute de C'est fou, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On s'en va entendre Yoav, qui encore une fois nous agace, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous agace avec plusieurs pièces de son futur album Charmed and Strange, qui sort en janvier 2008. Ça vient de cet album-là. Juste un petit avant-goût de ce qui s'en vient, dit Yoav. Le maxi contient trois pièces. On commence par Adore, Adore, à la chance. Au coureur. Oh que oui. Oh que oui. écoutez La Chance au coureur et voici une deuxième pièce de Yoav, Yeah, The End. Parce que c'est presque la fin de La Chance au coureur. C'est pour ça qu'il l'a appelé de moi. Ça sent bien. Sitting down, sleeping city sidewalks to see what light the darkness brings. A man in the moon's a Coca-Cola smile, but I can't help smiling back at him. I start to spark a blade of grass. See what dark the lightness brings. The old man under the overpass says, boy, I've seen so many things. Yeah, yeah, yeah. Don't fear the end. I stumble up as streetlights flicker. There were dark things circling in the dawn. And though something's always dying, something's always being born. But if something's always been born, it means that something's always dying. And if no sun plays on when this plays out, then what's the use in trying? Yeah, yeah, yeah. Don't fear the end. Never fear. Riders in the distance, so I hitch myself a ride with three kind old sisters. We watch the world racing by, two signs about the road cry. Last exit and one way out, from the east to the west, to the north, to the south. Daylight, dazzled by reflections of the sun. A shadow falls behind, cause I'm just the same as everyone. Yeah, yeah, yeah. Don't fear. Yoav avec la pièce Yeah, The End de l'album Charmed and Strange qui sort en janvier 2008. On aura la chance d'entendre d'autres pièces quand l'album arrivera enfin sur nos bureaux, comme dit l'album. Voilà, c'est déjà la fin de La Chance au coureur cette semaine. Très, très bonne musique. Vraiment, j'ai été surpris du nombre de bonnes choses qu'on a entendues cette semaine. On a entendu, entre autres, du Lucien Dao, du Pierre Lapointe, du Hologram, qui était très, très bon. Gorillaz, évidemment. Et Darling A, en début d'émission dans le francophone, c'était rempli de bonnes choses. On se quitte sur un groupe de metal, de death metal hardcore, Bloodstained Memory, un groupe de Montréal avec l'ancien batteur de Injury et Deceased de Trois-Rivières, Jason Rousseau. Voilà. En spectacle vendredi, ce soir, c'est vous en direct le 30 novembre, c'est au Stage, jusqu'à la Madeleine, le Rock Carré, le Stage, là. Donc, c'est la formation Bloodstained Memory. On s'en va entendre la pièce 3 de l'album parce qu'ils ne vont pas laisser les titres. C'est gentil. Ouais. Danny Janvier. Oui, salut. Salut, merci d'avoir été là. Merci à toi d'être là, d'exister. Merde, ben t'es fin. On rappelle le nom des albums dont tu as parlé, Hologram avec Hologram Plus et puis Guillaume de Coutu Dumont. Avec Face à l'Est. Voilà, ben nous, on fait face à la fin de l'émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis matins, en direct à 10h. On est en rediffusion, comme toujours, samedi, de midi à 15h et mardi, de 13h à 16h. Je vous retrouve aussi à la connexion et à la, au Palmarès C'est Fou avec Virginie. Voilà. De la part de Denis Janvier et de moi-même, Mathieu Plante, je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.